le phénomène des microbes. On a l'habitude d'importer, en tout cas, ce qu'on observe du côté de l'Afrique de l'Ouest. On a importé le coupé décalé, on a importé les maquis. Cette fois-ci, c'est le phénomène des microbes qui est importé. La capitale économique a été secouée il y a quelques jours par ce phénomène-là. Mais ce qui était curieux, président Madakani, la quasi-totalité des personnes qui, entre guillemets, fuyaient ces microbes-là, une fois qu'elles étaient interrogées, personne n'avait vu un microbe. On disait toujours, on nous a dit que ces derniers arrivaient. Président Madakani, ceci semble tout de même curieux. C'est cela parce qu'on n'a pas vu un microbe, d'après la version officielle du gouverneur, que le phénomène n'existe pas. Puisqu'on n'est pas, on n'est pas à la première manifestation des microbes, n'est-ce pas, qui prennent des parties entières de la ville en otage. C'est la première fois. C'est déjà moi, personnellement, j'ai vécu au moins deux situations où des hordes de microbes avaient envahi des quartiers. Avec des machettes à Nobel, ils coupaient les mains des mamans, ils neutralisaient les boutiques, les boutiquiers, ils arrachaient l'argent, etc. À l'époque, il y avait eu après coup une vigoureuse réaction des autorités de la ville de Douala. Et le phénomène semblait se lever. Donc, c'est pour dire que le phénomène est réel. Le phénomène est réel. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ces 2 jours dans la ville de Douala. Je ne parle pas du communiqué du gouverneur, c'est important. Il se base sur ce qu'il dit. Qu'on ne nous traite pas de. Je vais mettre le ministre au feu de tablateur. Le gouverneur de la région du littoral, dans son communiqué officiel, après avoir expliqué ce qui s'est passé à Makéa, le gouverneur nous informe que l'incident de Makéa est parti de la guerre entre les dealers qui spéculent sur la drogue dans la ville de Douala. Je dis, moi, c'est l'élément le plus important, c'est l'élément nouveau dans les communiqués des autorités administratives de la ville de Douala face à des pareils phénomènes. C'est la première fois, sauf si je me trompe, que l'autorité de la hauteur du gouverneur d'une région nous informe de façon solennelle que notre ville est sous la menace des dealers de drogue. Makéa est connue, la ville de Douala, c'est connu. Les policiers n'entrent à Makéa n'importe comment. Vous entrez à Makéa pour vouloir traquer les dealers, c'est un coup de fil qui vous appelle. C'est votre supérieur hiérarchique qui vous appelle pour vous dire, monsieur, sortez, rentrez. Je dis ce que je vous dis là, c'est connu. C'est le supérieur hiérarchique qui vous appelle pour dire, monsieur, rentrez, tu vas faire quoi là-bas? Quand il sait que tu t'en vas vraiment faire ton travail. J'ai rencontré sous secret, des hommes en tenue qui sont venus me voir pour me dire, président, c'est très grave. Dans nos unités, dès que tu veux lutter contre les dealers, c'est la hiérarchie qui te menace et c'est au risque de ta vie. Nous sommes empoisonnés par nos frères quand nous nous engageons réellement à lutter contre le phénomène. Président, la ville de Douala est prise en otage par les trafiquants et les dealers. Je vous démontre, je suis dans un flux d'Ariane en matière de développement. Vous allez comprendre où je suis en train d'arriver. Je parle du communiqué du gouverneur. Qui reconnaît que la ville de Douala est menacée par les spéculateurs? On peut comprendre qu'un gouverneur ait un certain style de langage. Mais quand on découvre ça, avec les informations que nous avons, et que pour une fois, nos informations sont corroborées par la sortie officielle, la plus haute autorité de la région, maintenant, il faut mettre le dossier sur la table, mon frère. La ville de Douala est prise en otage par les trafiquants de tout genre, de drogue, d'ossements humains, de carburant, de trafiquants de tout genre. Et ces trafics sont protégés par les autorités de la ville. Autorités policières, autorités militaires, autorités de gendarmerie, autorités administratives. Je vous dis, c'est de quoi je parle. J'ai des éléments sous la main. Et c'est ça qui explique l'insécurité de la ville de Douala. C'est ça. Vous savez, lorsque des gens dealent, quand les gens sont protégés, quand ils vendent de la drogue, qui les protège? Le gars que vous protégez a son réseau de vente. Non? Son réseau est constitué, parlons comme ça, de sous-dealers. Hein? Les sous-dealers. Le sous-dealer, qu'est-ce qu'il fait? Quand dès que le sous-dealer sait que celui qui me protège en haut est lui-même protégé par les patrons de la ville, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, moi aussi je crée mon petit réseau pour faire le petit trafic. Qui va nous toucher? Bon, dès que le gars crée son petit réseau, vous voyez la métastase, la chaîne, vous voyez la chaîne, et après, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont en haut de la pyramide ne peuvent pas tout contrôler à tout moment. Parce qu'il suffit qu'au niveau du partage, on ne s'entende pas. Il suffit qu'il y ait un problème entre eux. Vous avez des microbes. C'est-à-dire des gens qui vont aller comme ça dans la ville, semer l'insécurité, mais parce qu'ils ont un sentiment d'impunité. Ils savent que n'importe comment, rien ne va nous arriver. Parce que ceux qui les envoient savent pourquoi ils les envoient faire ça. Ils sont en train d'envoyer un message. Ils envoient un signal à leur patron. Et leur patron est paralysé parce qu'il sait que je te tiens, tu me tiens et on se tient. C'est ça le phénomène des microbes, mon cher. Je laisse de côté la dimension sociologique. Du fait que dans un pays, tout un gouvernement a oublié ce qu'on appelle la créer un cadre qui va générer suffisamment d'activités pour que la population soit occupée, surtout la jeunesse. Oui, il y a un droit de problèmes structurels qu'on connaît. Qui fait qu'il y a les zones rurales? Oui, mais le village là, c'est pas le Cameroun. La réalité est que l'économie camerounaise ne génère pas suffisamment d'activités pour occuper la jeunesse du Cameroun. Et une bonne partie du gouvernement camerounais refuse d'embrasser le problème comme il faut et préfère voler l'argent et préfère maintenir l'économie néocoloniale sur place. Je dis bien une partie du gouvernement camerounais pour les besoins de la cause. Eh bien, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous avez, sur 10 jeunes camerounais, vous avez 7, 8 qui passent leur temps à la maison. Mais vous croyez qu'ils vont faire quoi? Mais ils vont être recrutés dans des gangs, dans des groupes, dans les groupes mafieux. Mais souvent même beaucoup de bienséquineurs, le bienséquine, c'est là qu'il y a une couverture pour les vraies opérations. On sait ça. Donc le problème, il est là. Moi, j'ai rencontré des hommes en tenue qui m'ont dit, mais président, ça ne peut pas continuer comme ça. Ces gens vous disent, voici là où on livre la drogue à Douala, voici là où on livre la drogue. C'est connu. Quand nous avons voulu aller là-bas, on nous a dit, si vous mettez pied là-bas, on finit avec vous. Ils le disaient clairement. Moi, je peux vous dire que je me suis arrangé pour que ces gens-là aient informé plus haut. Vous me suivez? Je me suis battu pour qu'ils aient informé plus haut. Donc, une certaine hiérarchie au courant, ce que vous sentez vous dire. Plus haut, voilà. Plus haut, c'est-à-dire le ministre? Oui, au-delà. Je me suis arrangé pour ça. Je vous le dis à mon division. La hiérarchie au courant. Mais quand vous enquêtez, mais c'est grave. C'est grave. Les gens viennent à Douala, ils ont des postes. Ils viennent pour s'enrichir. Ils viennent pour couvrir des mafias qui sont parrainés depuis Yaoundé. Et c'est dire où Yaoundé qu'on nomme les gens à des postes. Vous avez des gens là qui ont confisqué des postes stratégiques. Ils ont confisqué, ça leur appartient. C'est pour leur maison et leur famille. Et vous demandez, mais qu'est-ce qui justifie un si long règne là-bas? Mais quand vous regardez, les gars savent remonter. Ils savent huiler le haut. Et le haut, en retour, les protège et les maintient là-bas. Comme lequel, par exemple, président? Non, excusez-moi, je ne vais pas aller au-delà de ce que Saint-Denis vous dit. Ce que je dis là est vraiment grave. Ceux qui ont les yeux comprennent ce que Saint-Denis dit. Je ne suis pas. Je vous dis que j'ai fait remonter d'informations en haut lieu. Je le dis à Mondo Vision. Qu'ils fassent leur travail. On est obligé, nous, de commencer à protéger les agents de police et gendarmerie. On est obligé de les protéger parce que c'est grave. C'est grave. Les gars sont menacés. Les gars sont tués. Parce qu'ils veulent faire leur travail, mon frère. Et c'est ça qui conduit à ce qu'on voit là. Moi, je me rappelle dans la ville de Douala, avant la création du commandement opérationnel. Qu'est-ce qui s'était passé ici à Douala? C'était très grave. Il y avait ce qu'on appelle le grand banditisme qui s'est propagé au niveau des expatriés. On s'est rendu compte de quoi? Que les grands bandits en question étaient armés, étaient protégés par des généraux à Yaoundé. Ces gars dans le quartier, on avait un ou deux là-bas en Eupen, ils vous disent ça clairement, ils vous narrent, tu l'arrêtes. Il va au commissariat. Pendant que tu rentres, il est à la maison avant toi. Et quand vous rentrez, il t'attend à la maison. Pour te régler ton compte? Non, au quartier, souvent, ils n'étaient pas encore arrivés là. Il te dit, bon, tu vas encore aller où? Je vais te montrer, va encore plus loin. Je vais te montrer que dans ce pays, le pays nous appartient. Bon, ils ne tuaient pas les gens du quartier parce que, bon, Ils savaient quel risque ils couraient en le faisant. Mais chacun était averti que ça ne sert à rien de protéger ce gars. Et finalement, le bandit devenait un modèle au quartier. Il devenait un grand. Quand le gars avait des problèmes, c'est lui qu'on allait voir. Ton frère est enfermé, celui qui va le libérer. Pourquoi? Ce gars en question était protégé par un général à Yaoundé. Est-ce que vous me suivez? Il a fallu que le président envoie des forces spéciales à Douala, après avoir listé ces gens, pour qu'on vienne la nuit les traquer, prendre leurs armes et parlons comme ça, les neutraliser. Les neutraliser, parce que toute la ville, c'était impossible. C'est ça qui a abouti au commandement opérationnel. Vous voyez comment est-ce que le grand banditisme dans une ville, il y a toujours un lien entre le grand banditisme et le fait que des autorités bien placées sont devenues véreux. Véreux, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des trafiquants. Pourtant, les trafiquants, ils sont tellement mouillés au point où leur capacité à remplir leur mission est affectée. Mais c'est quoi un microbe? Mais regardez, la ville de Douala, si la population s'organise, c'est fini. C'est fini. Mais à qui veut-on faire croire que les populations sont plus outillées que les gens dont la mission et le métier est de protéger les populations? Qui peut croire à ça? Mais c'est parce que les microbes que vous voyez là ne sont que la face visible des vrais microbes qu'on ne voit pas. Les gens que vous voyez là, ce sont les petits. Je n'ai pas qu'on laisse. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas nuisants, ils ne sont pas nuisibles. Hein. Mais je vous dis, ce sont des petits. Les vrais microbes sont cachés, c'est-à-dire que dans les repostes et à Yaoundé. À Yaoundé. C'est quoi un vrai microbe? C'est celui qui nomme. Dans la ville de Douala, le protecteur des microbes. Les microbes qui sont au service des trafiquants de drogue, de carburant, d'ossements humains, qui eux-mêmes sont dans des réseaux bien protégés. Quelqu'un m'a dit, Wafo, que dans la ville de Douala, je voudrais me tromper, hein, mais ce qu'il m'a dit, c'est quelqu'un de suffisamment introduit. Les autorités de la ville de Douala sont dans des tontines où par mois, il faut cotiser des millions. Non, chaque semaine, cotiser des millions. Bon, regardez le salaire des fonctionnaires. Qu'ils soient des militaires ou des autorités civiles, ce sont des fonctionnaires. Comment un fonctionnaire fait, mon frère Kenye, docteur Batelekin, Tassinda Bertrand, dis-moi comment un fonctionnaire fait pour avoir des millions et cotiser des millions par semaine, chaque semaine. Dites-moi. Mais ça veut dire que bah, s'ils ont des millions par semaine pour cotiser, ça veut dire que bah, les gars savent dans quoi ils se trouvent. Et en plus de ça, il faut envoyer l'argent à ceux qui t'ont nommé à Yaoundé pour garantir ton derrière, ton poste. Donc, telle est la raison de mon point de vue du fait que des phénomènes d'insécurité deviennent structurels à la ville de Douala. J'ai oublié la dimension politique plus profonde. C'est quand le président est à l'étranger. Effectivement. Que ça se déclenche. Et qu'on soit obligé d'envoyer des forces spéciales à Douala. Ça veut dire que quand on envoie les forces spéciales dans la ville, alors qu'il y a en principe des administrations et des postes qui sont chargés de veiller, qui sont dédiés à ces fonctions-là, quand la solution vient de Yaoundé, et même pas de Yaoundé, parce que quand on parle de forces spéciales, qui a la capacité de libérer les forces spéciales à la nation Kenya? Tu sais? Très bien. D'où la solution vient? Ça veut dire que on est parti du principe que l'affaire vous a dépassé à Douala. Que vous n'êtes plus en mesure de gérer ça. Donc la solution vient directement du président qui en plus est à l'étranger. Vous imaginez un chef d'État à l'étranger en train de faire des discours comme le président a fait et la principale ville du pays qui rapporte 70% des recettes fiscales, qui tient l'économie du pays, est pendant deux ou trois jours, dans les mains des bandits, des microbes. Ben, si on maintenant vient nous dire que non, c'était une rumeur, mais c'est encore plus grave. Tous ceux qui connaissent la sécurité savent que si une rumeur paralyse une ville, c'est grave. Effectivement. Parce que à partir de là, ok, les spécialistes de la déstabilisation vont créer des rumeurs et prendront la ville en otage. Ils peuvent introduire des armes. Vont déstabiliser. Parce que imaginez-vous pendant ces trois jours. Il suffit que les ennemis du Cameroun imaginez que on infiltre deux ou trois snipers dans la ville. Pendant qu'il y a la panique, 50 morts. Vous gérez ça comment? Dès qu'il y a 50 morts, les médias mettent Simon. Allez, c'est parti. C'est-à-dire, pendant un mois, il faudrait expliquer pourquoi il y a 50 morts. Qui les a tués? On gère ça comment? Ça s'appelle coup d'État. C'est compliqué. Ça s'appelle coup d'État. Donc comment on peut expliquer qu'une ville comme Douala, c'est-à-dire que pendant deux jours, un jour, c'est-à-dire que la ville est sous la panique, les gens ferment leurs boutiques, personne ne veut travailler parce qu'on dit qu'il y a le microbe dehors. Donc c'est une affaire suffisamment grave de mon point de vue. La ville de Douala ne peut pas rester sur une telle condition. Effectivement. La ville de Douala ne peut pas rester sur une telle condition. Les populations de la ville de Douala ont le droit d'être en sécurité. Parce que si Douala n'est pas en sécurité, où est-on en sécurité au Cameroun? Où? Même pas à Yaoundé, contrairement à ce que les gens imaginent. Alors ça parce que la ville, on va dire que c'est la ville de tous les trafics, c'est la ville économique, bon, c'est normal qu'il y ait le trafic, parce que c'est la ville où il y a l'essentiel de l'activité économique. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Surtout que ce n'est pas le type d'insécurité. C'est-à-dire la spécificité de l'insécurité à Douala est liée à ce que je viens de vous expliquer. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais je regarde ce qui se passe, j'analyse. C'est la base d'informations que j'ai. Je dis que sur le terrain, je vois très bien le lien qui permet de spécifier, n'est-ce pas, ce type d'insécurité dans la ville de Douala. Donc, de mon point de vue, il faut que les autorités de la ville, du pays, parce que c'est un problème maintenant du pays, fasse leur travail, à savoir sécuriser la ville de Douala. Que les populations de Douala vêtent à l'occupation dans la paix. Parce que ceux qui sont chargés de veiller sur la sécurité font leur travail, et rien que le travail. Wafo, je vais terminer par là. Loin de moi l'idée de diaboliser tous les autorités de la ville de Douala. Il y en a que je connais qui sont extraordinaires, qui font leur travail. Qui font du bon boulot. Donc j'en connais. Dans les forces de sécurité, dans l'administration, qu'elles reçoivent ici notre reconnaissance. Je ne parle pas d'elles. Je parle des ripoux. Je parle de ces réseaux-là. Et on les connaît. Et ils ont des postes importants dans la ville de Douala. Je parle d'eux. Ce sont eux qui sont, c'est-à-dire que, qui parlent leur cupidité et le fait que leur délabrement mental et moral protègent les barons de l'insécurité dans la ville de Douala, qui pour la plupart se recrutent dans le trafic de la drogue, le trafic du carburant et le trafic des ossements humains. Merci à vous, Président Mandakani. Afrique Média. Le monde, c'est nous.